renseignements généraux. Un certain nombre de femmes algériennes se dirigent sur Paris pour manifester. On a saisi des banderoles avec les slogans « Libérez nos époux et nos frères »,« Abat le couvre-feu raciste », »,« Indépendance totale de l'Algérie ». Appel général à tous les services. Appel général à tous les services. Appréhendez le maximum de manifestantes avec leurs enfants.